Chapitre 10e. Mari et femme. En deuil de son frère, tué 2 jours auparavant, le comte de Charny était tout vêtu de noir. Puis, comme ce deuil, pareil à celui d'Hamlet, était encore non seulement sur les habits, mais encore au fond du cœur, son visage pâli attestait des larmes qu'il avait versées et des douleurs qu'il avait souffertes. La comtesse embrassa tout cet ensemble d'un rapide regard. Jamais les belles figures ne sont si belles qu'après les larmes. Jamais Charny n'avait été aussi beau. Elle ferma un instant les yeux, renversa légèrement sa tête en arrière, comme pour donner à sa poitrine la faculté de respirer, et appuya sa main sur son cœur qu'elle sentait près de se briser. Quand elle rouvrit les yeux, ce fut une seconde après les avoir fermés, elle retrouva Charny à la même place. Le geste et le regard d'André lui demandèrent en même temps, et si visiblement pourquoi il n'était pas rentré, qu'il répondit tout naturellement à ce geste et à ce regard. « Madame, j'attendais. » Il fit un pas en avant. « Faut-il renvoyer la voiture de monsieur ?» demanda le concierge, sollicité à cette interrogation par le domestique du comte. Un regard d'une indicible expression jaillit de la prunelle du comte et se porta sur André, qui, comme ébloui, ferma les yeux une seconde fois et resta immobile, la respiration suspendue, comme si elle n'eût point entendu l'interrogation, comme si elle n'eût point vu le regard. L'une et l'autre, cependant, avaient pénétré tout droit jusqu'à son cœur. Charny chercha, par toute cette statue vivante, un signe qui lui indiqua ce qu'il avait à répondre. Puis, comme le frissonnement qui échappa à André pouvait être aussi bien de la crainte que le comte ne s'en alla point que du désir qu'il resta, « Dites au cocher d'attendre, » répondit-il. La porte se referma, et pour la première fois peut-être depuis leur mariage, le comte et la comtesse se trouvèrent seuls. Ce fut le comte qui rompit le premier le silence. « Pardon, madame, » dit-il, « mais ma présence inattendue serait-elle encore indiscrète ? Je suis debout, la voiture est à la porte et je repars comme je suis venu. »« Non, monsieur, » dit vivement André, « au contraire, je vous savais sain et sauf, mais je n'en suis pas moins heureuse de vous revoir après les événements qui se sont passés. » « Vous avez donc eu la bonté de vous informer de moi, madame ?» demanda le comte. « Sans doute, hier et ce matin, et l'on m'a répondu que vous étiez à Versailles. Ce soir, et l'on m'a répondu que vous étiez près de la reine. » Ces derniers mots avaient-ils été prononcés simplement ou contenaient-ils un reproche ? Il est évident que le comte lui-même, ne sachant quoi s'en tenir, s'en préoccupa un instant. Mais presque aussitôt, laissant probablement à la suite de la conversation le soin de relever le voile un instant abaissé sur son esprit. « Madame, répondit-il, un soin triste et pieux me retenait hier et aujourd'hui à Versailles. Un devoir que je regarde comme sacré, dans la situation où la reine se trouve, m'a conduit, aussitôt à mon arrivée à Paris, chez Sa Majesté. » À son tour, André essaya visiblement de saisir, dans tout son réalisme, l'intention des dernières paroles du comte. Puis, pensant qu'il devait surtout une réponse aux premières, « Oui, monsieur, dit-elle. Hélas, j'ai su la perte terrible que... » Elle hésita un instant. « Que vous avez faite ?» André était sur le point de dire « Que nous avons faite. » Elle n'osa point et continua. « Vous avez eu le malheur de perdre votre frère, le baron Georges de Charny. » On eût dit que Charny attendait au passage les 2 mots que nous avons soulignés, car il tressaillit au moment où chacun d'eux fut prononcé. « Oui, madame, » répondit-il. « C'est, comme vous le dites, une perte terrible pour moi que celle de ce jeune homme, une perte que, par bonheur, vous ne pouvez apprécier, ayant si peu connu le pauvre Georges. » Il y avait un doux et mélancolique reproche dans ces mots, « par bonheur ». André le comprit, mais aucun signe extérieur ne manifesta qu'elle y eût fait attention. Au reste, une chose me consolerait de cette perte, si je pouvais en être consolé, reprit Charny. C'est que le pauvre Georges est mort comme mourra Isidore, comme je mourrai probablement, en faisant son devoir. » Ces mots, « comme je mourrai probablement », atteignirent profondément André. « Hélas, monsieur, demanda-t-elle, croyez-vous donc les choses si désespérées, qu'il est encore besoin, pour désarmer la colère céleste, de nouveaux sacrifices de sang ? Je crois, madame, que l'heure des rois est sinon arrivée, du moins bien près de sonner. Je crois qu'il y a un mauvais génie qui pousse la monarchie vers l'abîme. Je pense, enfin, que si elle tombe, elle doit être accompagnée dans sa chute de tous ceux qui ont eu part à sa splendeur. « C'est vrai, » dit André, « et quand le jour sera venu, croyez qu'il me trouvera comme vous, monsieur, prêt à tous les dévouements. « Oh, madame, » dit Charny, « vous avez donné trop de preuves de ce dévouement dans le passé. Pour qui que ce soit, et moi moins que personne, doute de ce dévouement dans l'avenir. Et peut-être ai-je d'autant moins le droit de douter du vôtre que le mien, pour la première fois peut-être, vient de reculer devant un ordre de la reine. « Je ne comprends pas, monsieur, » dit André. « En arrivant de Versailles, madame, j'ai trouvé l'ordre de me présenter à l'instant même chez Sa Majesté. « Oh !» fit André en souriant tristement. Puis, après un instant de silence, « Cela est tout simple, » dit-elle. « La reine voit comme vous l'avenir mystérieux et sombre, et veut réunir autour d'elle les hommes sur lesquels elle sait pouvoir compter. « Vous vous trompez, madame, » répondit Charny. « Ce n'était point pour me rapprocher d'elle. » Que la reine m'appelait, c'était pour m'en éloigner. « Vous éloignez d'elle ?» dit vivement André en faisant un pas vers le comte. Puis après un moment, s'apercevant que le comte était, depuis le commencement de la conversation, demeuré debout près de la porte. « Pardon ? » dit-elle en lui indiquant un fauteuil. « Je vous tiens debout, monsieur le comte. » Et en disant ces mots, elle retomba elle-même, incapable de se soutenir plus longtemps sur le canapé où un instant auparavant, elle était assise près de Sébastien. « Vous éloignez ?» répéta-t-elle avec une émotion qui n'était pas exempte de joie, en pensant que Charny et la reine allaient être séparés. « Et dans quel but ?»« Dans le but d'aller remplir à Turin une mission près de messieurs le comte d'Artois et le duc de Bourbon qui ont quitté la France. »« Et vous avez accepté ?» Charny regarda fixement André. « Non, madame, » dit-il. André pâlit tellement que Charny fit un pas vers elle comme pour lui porter secours. Mais à ce moment du comte, elle rappela ses forces et revint à elle. « Non, » balbutia-t-elle, « vous avez répondu non à un ordre de la reine, vous, monsieur ?» Et les deux derniers mots furent prononcés avec un accent de doute et d'étonnement impossible à rendre. « J'ai répondu, madame, que je croyais ma présence, en ce moment surtout, plus nécessaire à Paris qu'à Turin. » Que tout le monde pourrait remplir la mission dont on voulait bien me faire l'honneur de me charger, et que j'avais là justement un second frère à moi, arrivé à l'instant même de province, pour se mettre aux ordres de Sa Majesté, et qui était prêt de partir à ma place. Et sans doute, monsieur, la reine était heureuse d'accepter la substitution, s'écria André avec une expression d'amertume qu'elle ne put contenir et qui parut ne pas échapper à Charny. « Non, madame, au contraire, car ce refus parut la blesser profondément. J'eusse donc été forcé de partir, si par bonheur, le roi n'était entré dans ce moment, et si je ne l'eusse fait juge. »« Et le roi vous donna raison, monsieur, » reprit André, avec un sourire ironique. « Et le roi fut, comme vous, d'avis que vous deviez rester aux Tuileries. Oh, que sa majesté est bonne !» Charny ne sourcilla point. « Le roi dit, » reprit-il, qu'en effet, mon frère Isidore était très convenable pour cette mission, d'autant plus convenable que venant pour la première fois à la cour, et presque pour la première fois à Paris, son absence ne serait point remarquée. Et il ajouta qu'il serait cruel à la reine d'exiger que dans un pareil moment je m'éloignasse de vous. « De moi ? » s'écria André. « Le roi a dit de moi ? » « Je vous répète ses propres paroles, madame. » Alors, cherchant des yeux autour de la reine et s'adressant à moi, « Mais, en effet, où est la comtesse de Charny ? » demanda-t-il. « Je ne l'ai pas vue depuis hier au soir. » Comme c'était surtout à moi que la question était adressée, ce fut moi qui fis droit. « Sire, » répondis-je, « j'ai si peu le bonheur de voir madame de Charny qu'il me serait impossible de vous dire en ce moment où est la comtesse. Mais si votre majesté désire être informée à ce sujet, qu'elle s'adresse à la reine. La reine le sait, la reine répondra. » Et j'insistais, parce que voyant le sourcil de la reine se froncer, je pensais que quelque chose d'ignoré par moi s'était passé entre vous et elle. André paraissait si ardente à écouter qu'elle ne songea pas même à répondre. Alors Charny continua. « Sire, répondit la reine, madame la comtesse de Charny a quitté les Tuileries il y a une heure. « Comment ? Demanda le roi. « Madame la comtesse de Charny a quitté les Tuileries ? Oui, sire. » « Mais pour y revenir bientôt, je ne crois pas. »« Vous ne croyez pas, madame ?» reprit le roi. « Mais quel motif a donc eu Madame de Charny, votre meilleure amie, madame ? La reine fit un mouvement. « Oui, je le dis, votre meilleure amie, » répéta-t-il, « pour quitter les Tuileries dans un pareil moment. » « Mais, » dit la reine, « je crois qu'elle se trouve mal logée. » « Mal logée sans doute, si notre intention eût été de la laisser dans cette chambre attenante à la nôtre. Mais nous lui eussions trouvé un logement, pardieu. Un logement pour elle et pour le comte, n'est-ce pas, comte ? Et vous ne vous seriez pas montré trop difficile, j'espère. » « Sire, » répondis-je, « le roi sait que je me tiendrai toujours pour satisfait du poste qu'il m'assignera, pourvu que ce poste me donne l'occasion de le servir. »« Et que je le savais bien, » reprit le roi, « de sorte que Madame de Charny s'est retirée. »« Où cela, madame, savez-vous ? Non, sire, je ne sais. Comment ? Votre amie vous quitte et vous ne lui demandez point où elle va ? Quand mes amis me quittent, je les laisse libres d'aller où ils veulent. » Et il n'est point l'indiscrétion de leur demander où ils vont. « Bon, » me dit le roi, « bonnerie de femme. Monsieur de Charny, j'ai quelques mots à dire à la reine. Allez m'attendre chez moi et présentez-moi votre frère. Ce soir même, il partira pour Turin. Je suis de votre avis, monsieur de Charny. J'ai besoin de vous et je vous garde. » J'envoyai chercher mon frère qui venait d'arriver et qui, m'avait-on fait dire, m'attendait dans le salon vert. À ces mots, dans le salon vert, André, qui avait presque oublié Sébastien, dont elle semblait attachée d'intérêt au récit de son mari, se reporta par la pensée à tout ce qui venait de se passer entre elle et son fils et jeta les yeux avec angoisse sur la porte de la chambre à coucher où elle l'avait enfermée. « Mais pardon, madame, » dit Charny, « je vous entretiens, j'en ai peur, de choses qui vous intéressent médiocrement, et sans doute, vous vous demandez comment je suis ici et ce que je viens y faire ? Non, monsieur, dit André, tout au contraire, ce que vous me faites l'honneur de me raconter est pour moi du plus vif intérêt. Quant à votre présence chez moi, vous savez qu'à la suite des craintes que j'ai éprouvées sur votre compte, cette présence, qui prouve qu'à vous personnellement rien n'est arrivé de malheureux, cette présence ne que peut m'être agréable. Continuez donc, je vous prie. Le roi venait de vous dire de l'aller l'attendre chez lui, et vous aviez fait prévenir votre frère. Nous nous rendîmes chez le roi, madame. 10 minutes après nous, il revint. Comme la mission pour les princes était urgente, ce fut par elle que le roi commença. Elle avait pour but d'instruire leurs altesses des événements qui venaient de se passer. Un quart d'heure après le retour de sa majesté, mon frère était parti pour Turin. Nous restâmes seuls. Le roi se promena un instant tout pensif, puis, tout à coup, s'arrêtant devant moi, « Monsieur le comte, me dit-il, « savez-vous ce qui s'est passé entre la reine et la comtesse ?»« Non, si, » répondis-je. « Il faut cependant qu'il se soit passé quelque chose, » ajouta-t-il, « car j'ai trouvé la reine d'une humeur massacrante, et même, à ce qu'il m'a paru, injuste pour la comtesse, ce qui n'est point son habitude à l'endroit de ses amis, qu'elle défend, même quand ils ont des torts. « Je ne puis que répéter à votre majesté ce que j'ai eu l'honneur de lui dire, » repris-je. « J'ignore complètement ce qui s'est passé entre la comtesse et la reine, et même s'il s'est passé quelque chose. En tout cas, sire, j'ose affirmer d'avance que s'il y a des torts d'un côté ou de l'autre, en supposant qu'une reine puisse avoir des torts, ces torts ne viennent pas du côté de la comtesse. « Je vous remercie, monsieur, » dit André, « d'avoir si bien présumé de moi. » Charny s'inclina. « En tout cas, » reprit le roi, « si la reine ne sait pas où est la comtesse, vous devez le savoir, vous. » Je n'étais guère mieux instruit que la reine. Cependant, je repris, « Sire, je sais que madame la comtesse a un pied-à-terre rue Coqueron. C'est là, sans doute, qu'elle se sera retirée. »« Eh oui, sans doute, c'est là, » dit le roi. « Allez-y, comte, je vous donne congé jusqu'à demain, pourvu que demain, vous nous rameniez la comtesse. » Le regard de Charny, en prononçant ces mots, s'était arrêté si fixement sur André que celle-ci, mal à l'aise et sentant qu'elle ne pouvait éviter ce regard, ferma les yeux. « Vous lui direz, » continua Charny, toujours parlant au nom du roi, « que nous lui trouverons ici, dussé-je le lui chercher moi-même, un logement moins grand que celui qu'elle avait à Versailles, bien certainement, mais enfin suffisant pour marier une femme. « Allez, monsieur de Charny, allez, elle doit être inquiète de vous, et vous devez être inquiet d'elle, allez !» Puis, me rappelant, comme j'avais déjà fait quelques pas vers la porte, « À propos, monsieur de Charny, » dit-il en me tendant sa main que je baisais, « en vous voyant vêtu de deuil, C'est par là que j'ai dû commencer. Vous avez eu le malheur de perdre votre frère. On est impuissant, fut-on roi, à consoler de ces malheurs-là. Mais roi, on peut dire, votre frère était-il marié? Avait-il une femme, des enfants? Cette femme et ses enfants peuvent-ils être adoptés par moi? En ce cas, monsieur, s'ils existent, amenez-les-moi, présentez-les-moi. La reine se chargera de la mère et moi des enfants. » Et comme en disant ces mots, des larmes apparaissaient au bord des paupières de Charny. « Et sans doute, lui demanda André, le roi ne faisait que vous répéter ce que vous avez dit la reine. »« La reine, madame, répondit Charny d'une voix tremblante, ne m'avait pas même fait l'honneur de m'adresser la parole à ce sujet. Et voilà pourquoi ce souvenir du roi me toucha si profondément, que me voyant éclater en larmes, il me dit « Allons, allons, monsieur de Charny, j'ai eu tort peut-être de vous parler de cela, mais j'agis presque toujours sous l'inspiration de mon cœur, et mon cœur m'a dit de faire ce que j'ai fait. Retournez près de notre cher André Comte, car si les gens que nous aimons ne peuvent pas nous consoler, ils peuvent pleurer avec nous, et nous pouvons pleurer avec eux, ce qui est toujours un grand allègement. Et voici comment, continua Charny, je suis venu par ordre du roi, madame, ce qui fait que vous m'excuserez peut-être. Ah, monsieur, s'écria André en se levant vivement et en tendant ses deux mains à Charny, en doutez-vous? Charny saisit vivement ses deux mains entre les siennes et y posa ses lèvres. André jeta un cri comme si ses lèvres eussent été un feu rouge et retomba sur le canapé. Mais ses mains crispées s'étaient attachées à celles de Charny, de sorte qu'en retombant sur le canapé, elle entraîna le comte qui, sans qu'il l'eût voulu lui-même, se trouva assis auprès d'elle. En ce moment, André, ayant cru entendre du bruit dans la chambre voisine, s'éloigna si vivement de Charny que celui-ci, ne sachant quel sentiment attribuer, et ce cri poussé par la comtesse et ce brusque mouvement qu'elle avait fait, se releva vivement et se retrouva debout devant elle.